Mais cette expérience de pute, quand je l'ai racontée à Juliette le lendemain, car je voulais vraiment lui parler de mon traumatisme, elle n'a pas décroché un mot, sûrement qu'elle ne m'a pas cru. Je l'ai suivi du bar jusqu'au bus. Je lui ai raconté tout ça sur le chemin. Elle n'a pas décroché un seul mot. Juliette, mon amoureuse, qui venait de me quitter 3 jours avant, perdue dans sa casquette, n'a pas dit un mot sur tout ça. J'ai seulement cherché d'abord à savoir si je pouvais dormir chez elle. Vu que j'étais alors perdu à Metz à la rue, elle m'a dit non, Tony, je préfère te payer un hôtel. Mais c'est hors de question que tu mettes les pieds chez moi. J'ai alors cherché à savoir pourquoi. Pourquoi m'a-t-elle quitté? Pourquoi ne veut-elle plus me voir? Pourquoi ne puis-je plus mettre les pieds chez elle? Moi qui étais son plus grand amour, il y a encore 72 heures. Et là, elle m'a répondu, parce que Tony, tu avais une emprise sur moi, et que c'est un jeu depuis le début, et tu en es bien conscient, et on le sait tous les deux. Waouh ! Vraiment, je ne m'en étais pas rendu compte. D'accord, on peut dire que l'ancienne relation à moi ont mal terminé, c'est la moindre des choses, c'est vrai. Clémentine, Marion, j'ai vraiment été un salopard de borderline qui ne savait pas gérer ses relations, c'est certain. Mais avec Juliette, je ne voulais tellement pas reproduire ça que j'ai joué la perfection. C'est tout bête, mais vous savez, 4 ou 5 surnoms par jour, des petits SMS d'amour assez régulièrement, des massages, des petits gâteaux, des plats vegan, des cadeaux, en somme, des petites attentions. J'ai vraiment essayé d'être parfait. Le résultat était le même. Elle m'a parlé d'une emprise toxique, tout à fait consciente. Alors, ce soir, j'ai donc appris, juste après évidemment avoir dormi dehors et avoir fait la pute, j'ai appris que j'étais un toxique manipulateur inconscient. Waouh! Alors là, voyez, j'ai réussi à rentrer chez moi, car quelqu'un à la Chaoué m'a raccompagné, Jean-Marc en l'occurrence, et puis une fois arrivé chez moi tout seul dans cette grande maison de 200 mètres carrés que je devrais quitter dans 10 jours, à cause du préavis de bail, avec l'appartement de Juliette, qu'on ne prend plus. Eh bien, après avoir rentré ici, disais-je, cette grosse corde qu'il y avait dans ma chambre, j'ai essayé de l'enrouler autour de la poutre dans le grenier. J'ai essayé, mais elle est vraiment très très nouée. J'ai mis du temps. Alors, je l'ai serré bien fort autour de la poutre. Et j'ai mis mon cou autour de l'autre extrémité de la corde. C'était terminé. Tu es un loser. Tu ne sais plus où dormir. Plus personne ne veut de toi. Il y avait une fille qui t'aimait, mais elle ne peut pas t'aimer, car tu es un manipulateur toxique, inconscient. Inconscient que tu l'es. Une sorte de violeur involontaire. Quelqu'un, en quelque sorte, qui, malgré tout le bien qu'il veut du monde, ne sait que faire le mal dans les relations humaines. Alors tu es tout ça? Tu n'as plus rien à faire ici. À qui plais-tu vraiment? Quand tu parles de tes problèmes, personne ne te croit. Tes problèmes sont tellement grands que personne ne les croit, et vu que personne ne les croit, tu termines à les dire au monde entier sur des albums, sur des disques interminables que personne n'écoutera. Et tu fais ça tout seul dans une maison de campagne de 200 mètres carrés avant d'être à la rue dans 10 jours. Eh bien, écoute, écoute, écoute, Anthony. Il y a des messages qu'il faut considérer. Il y a des destins. Il y a des destins qu'il faut croire. Il y a des chemins qu'il faut écouter et respecter. Tue-toi. Tue-toi. C'est le moment. Va-t'en. Va-t'en. Mets ta chanson préférée et va-t'en. Il n'y a plus personne de toute façon. Tu le vois bien que tu es seul. Des gens t'ont aimé dans ta vie. Oh oui, des gens t'ont aimé. Mais ils sont tous partis. Car tu es quelqu'un de polluant. Alors, mets ta chanson grégorienne préférée. Et dans une très belle spiritualité harmonieuse. Va-t'en. Va-t'en. J'ai donc enroulé la corde autour de la poutre et mis l'autre extrémité autour de mon cou. Ça n'a pas fonctionné. Incapable de faire un nœud. Incapable de me suicider. J'avais pourtant la corde autour de mon cou, mais faire finalement un vrai nœud avec une corde de 4 mètres autour d'une poutre n'est pas si facile. Alors, j'ai branché mon micro, mon dictaphone, et j'ai essayé d'exorciser tout ça, tout simplement en parlant à quelqu'un. Personne ne veut m'écouter, ou tout le monde me prend pour un fou, ou les gens ne me comprennent pas, mes parents, Dorian. J'ai essayé d'en parler à Dorian ce soir. Que voulez-vous, comme tout le monde, dans sa cocaïne, dans son alcool, dans son délire, ne laisse pas placer un mot, ne comprend rien, et a rigolé tout le temps. Tandis que je racontais les étapes et les détails de mon viol, elle était morte de rire. Il n'y a plus personne à qui parler. Alors, je parle tout seul dans ma chambre, pour d'inconnus auditeurs qui oseront écouter ça jusqu'au bout. Je m'en vais essayer de m'endormir. Ou plutôt, essayer de mourir avec la fin de la liqueur de menthe, les 4 anxiolytiques que j'ai à côté de moi, et bien sûr le couteau dans le cas où la nuit me donnerait le courage de m'ouvrir les veines. Si j'en ai le courage, alors cet album ne sortira jamais. Ça restera juste des pistes oublié sur mon ordinateur, vendu à Emmaüs dans un mois. Si je survis, alors cet album paraîtra. Si vous entendez cet album, c'est que j'ai survécu à cette nuit. Sinon, vous aurez toute ma discographie pour compenser. Bonne continuation. Je vous embrasse tous, et finalement, je vous pardonne, car vous ne savez pas ce que vous avez fait. Et je vous embrasse.